Le Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 23 février un mémorandum titré « Le Parti pour la Corée libre, bande des criminels, doit être mis au ban de la société » qui porte les sous-titres « Le Parti traître et servile, le Parti nazi du présent tristement célèbre, la bande du mal qui a ouvert l'enfer des vivants plus horrible que l'empire des ténèbres de Dante ». Le parti des fanats de la confrontation sont pareils, le parti corrompu jamais connu, le parti des eunuques contrôlés par Bagonet de la Maison Bleue. Le mémorandum révèle la nature du parti pour la Corée libre qui a commis les crimes inexpiables et indique notamment. Si on laisse tel quel le Parti pour la Corée libre, on verra une nouvelle version du scandale de Park Geun-hye et de Choi Soon-sil, et la population sud-coréenne connaîtra toujours la honte, le martyre, le malheur et les souffrances. Tous les milieux sud-coréens doivent s'engager plus vigoureusement dans la lutte pour juger au nom de l'histoire Park Geun-hye et le Parti pour la Corée libre.